Bonsoir. Bienvenue à cette conférence familiale. La question cruciale sur une conférence sur l'immortalité, c'est allons-nous survivre dans un espace si restreint? Est-ce qu'on survit à l'immortalité? Ou est-ce qu'on survit à la mort? Genre, comment survivre à sa mort? Ben oui, effectivement, vu que t'es là. Ouais, est-ce qu'on n'est pas c'est déjà... C'est la quantité de fois qu'il y a du monde qui ont essayé de t'éliminer. Est-ce qu'on n'est pas déjà immortel en réalité, puis qu'on on survit à l'immortalité? J'ai déjà expliqué qu'il y avait une grande différence entre immortel et éternel. Qui est... Et intemporel. Répète donc la différence, au cas où j'étais pas là. Cassette 88, 227. J'étais pas là. Ah, OK. Bon, il était pas là, j'ai répété. L'immortalité, c'est ne pas mourir. Et on va redéfinir un peu ce qu'est la mort. Être, par exemple, éternel, ça veut dire ne plus subir de limitation au niveau du temps. Ça veut dire n'avoir eu ni commencement et ne pas avoir de fin. Tandis que l'immortel a eu une naissance et n'aura pas de fin. Puis l'intemporel, c'est celui qui est totalement désassujetti des mécaniques du temps. Est-ce que l'intemporel est plus près de l'immortel ou de l'éternel? C'est de l'éternel? Non, l'intemporel n'existe pas. Mais l'éternel non plus, il n'y a pas l'éternel eu de début, il n'y a pas eu de fin. L'éternel existe, oui, il existe. Il y a une présence, mais il n'y a eu ni commencement ni fin, mais il existe. C'est déjà une problématique, le fait d'exister. Et l'immortel, lui, ben, il existe, puis en plus, il a eu une naissance. Et sa naissance, ça crée une problématique, parce que la naissance, il faut comprendre une chose, quand on parle d'immortalité ou d'éternité, la grosse nuance au niveau de la conscience, celui qui est immortel, c'est un être humain qui a perdu sa conscience quelque part, en arrière. Donc, selon lui, il est venu au monde. Il a été créé dans un moment donné du temps, voilà un million d'années, voilà un milliard d'années, je ne sais plus trop. Et puis, il ne sait plus. Le mortel, la problématique du mortel, c'est que non seulement il ne se rappelle pas d'où il vient, mais en plus, un jour, il ne se rappellera même plus qui a vécu, puis il ne saura pas non plus où il va aller. C'est ça, c'est la vie du mortel. L'immortel, lui, à un moment donné, il sera capable d'expandre son évolution, sa conscientisation sur quelques années de plus que les autres. Et la problématique de l'immortel, c'est qu'il saura où il va, il saura ce qu'il a à faire, il comprendra le rôle de la vie, il comprendra le jeu cosmique de la présence de l'humain, sauf qu'il ne se rappellera pas encore une fois d'où il vient. Alors il lui manquera énormément de données, des données qu'il va restructurer et retrouver au fur et à mesure de son ascension, donc de ses différentes fusions, alors qu'à l'origine il s'était effusé, il s'était éclaté dans la création, donc il y en avait perdu des bouts, et la mémoire était un de ces bouts-là. Et donc, en remontant, l'immortel va retrouver, comprendre, reconnaître, ce qui fait que pour l'être humain, il fera office d'immenses sages cosmiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il sera capable d'expliquer plein de choses. Parce que comme je t'avais expliqué à un moment donné, c'est que c'est un peu comme toi qui vis plusieurs hivers. Ben, quand une personne voit un arbre mourir ou une fleur mourir quand l'hiver arrive, la personne qui vit seulement une été prend panique. Alors que toi qui vis plusieurs étés, tu sais très bien qu'elle meurt, mais c'est pas grave, elle va renaître. Mais l'être humain, normalement, qui vit une vie, donc le mortel, il peut croire, espérer qu'il y a une réincarnation ou qu'il y a une résurrection, qu'il y a quelque chose. Sauf que fondamentalement, son ego n'ayant pas expérimenté ça dans l'actuelle vie, il y croit sans y croire. C'est-à-dire qu'il croit à ça, mais il est extrêmement insécure, il a peur de la mort, il a peur, c'était bon. Alors que celui qui est immortel, ben, il va finir par être une personne qui pourra expliquer un peu comme Saint-Germain, ben, « Écoute, moi j'ai rencontré le Christ, après ça j'ai fait ceci, j'ai fait cela, puis il pourra prouver des choses. » Celui qui est éternel, ben, il y a un avantage de plus, c'est que subitement, en faisant son retour ascensionnel, donc en retrouvant, enfin en comprenant les mécaniques de la présence de l'humain dans l'univers, en comprenant à quoi sert simplement les univers, les super-univers, la création, sans parler des autres créations qu'on ne connaît pas, mais l'humain finit par, dans son ascension, il retrouve ces choses-là et progressivement, il finit par se rappeler subitement. C'est ce que je dis souvent quand je parle qu'un jour on va se rappeler de notre avenir. Il finit par se rappeler du chemin qu'il a déjà parcouru, ce qui fait qu'il conscientisera qu'il est parti de là, donc finalement, qu'il lui aussi n'a pas connu de début, donc il sait qu'il ne connaîtra pas de fin. De ce fait, il devient éternel dans sa conscience. Maintenant, lui, il sait d'où on vient, puis où. Ben là, il sait où on va, vu qu'il est rendu. Ça l'aide. Donc, l'état l'intemporel, c'est celui qui sort de tout ça au complet. Lui, il n'a jamais existé. Mais il n'existe pas non plus. C'est-à-dire qu'il est-ce va exister. Continue à exprimer des. À non, vivre tant que des t'es temporel, tant que t'es sujet à l'expérience, tant que t'es sujet à la présence, t'existes. Pour exister, il faut avoir le temps d'exister. Hein, si on n'a pas le temps d'exister, on n'existe pas. Quand l'individu parvient à sortir de la mécanique limitatoire du temps, On ne peut pas considérer du point de vue humain que, cette, que ce phénomène, que cet être-là existe. Donc, de ce fait, il n'existe plus, et du point de vue absolu, il n'a jamais existé. Sauf que, encore une fois, l'ego est une mécanique qui mémorise des choses. L'ego, ça se rappelle. Donc, quand on demande à quelqu'un qui es-tu, certains répondent, ben moi, je suis un garçon, moi, je suis une fille, moi, je suis un bon, ou encore, moi, je suis médecin, moi, je suis mécanicien, moi, je suis vendeur. C'est jamais ça qu'on veut savoir de l'individu, mais il nous répond toujours ce qu'il était, là, une seconde et demie, en descendant dans le passé. C'est sa mémoire qui nous compte. Quand l'être humain essaie de comprendre qui il est, ça veut dire que l'être humain ne se contente pas de vivre la spontanéité. L'humain qui cherche à savoir qui il est, nécessairement veut savoir qui il était, v'là une heure, v'là une seconde, v'là deux jours, v'là trois mois. L'humain essaie de savoir qui je suis en moyenne dans le temps. Alors que l'être humain qui veut savoir qui il est, ben, ça lui sert à rien de savoir qui il est, parce qu'il est continuellement en changement. Donc, il ne saura jamais qui il est, il saura toujours qui il a été. Là, quelques petites millièmes de seconde. Alors, l'humain qui va dire « Moi, je suis un être qui évolue », ça ne veut rien dire. Ça veut dire que vous êtes un être qui avait évolué. Dans l'actuel présent, on ne le sait pas. La personne qui, donc, finit, l'ego est une créature du temps, une créature de mémoire, et elle va continuellement toujours essayer de vouloir comprendre la mécanique en fonction de la mémoire. Ce qui fait que si on dit qu'un jour, l'humain va se désassujettir des limitations du temps, ça veut dire que l'humain pourra peut-être courber l'espace-temps. Ça veut dire qu'il part de l'an 1980, on est en quelle année, 90, et il courbe l'espace-temps, il se retrouve en l'an 1947. Ou encore, il le recourbe dans l'autre sens et se retrouve en l'an 2008. L'humain va aimer ce genre de choses. Les égos humains seraient contents de faire ce genre de choses. Ou encore d'ouvrir une porte dans le temps, puis traverser la porte, puis se retrouver où on veut. Ouais, l'ego serait content dans la mesure où il se rappelle qu'il vient de 1990. C'est juste ça qui... Bon, il y a deux différentes problématiques. Voilà. La première, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui passent une partie de leur vie à s'ennuyer. Malgré ça, ils aimeraient être immortels. Imaginez-vous. Mm. Un immortel ennui plutôt qu'un mortel ennui. Passe sa vie à passer son temps. Et ouais, c'est ça. Il va s'occuper, il va se distraire. Imaginez que vous êtes immortel actuellement avec les égos que l'humain a. C'est pas long, vous allez avoir tout vu les films, hein? Toutes les idées. Vous allez peut-être avoir lu tous les livres. Oh, on en écrit de nouveau, mais vous allez trouver que le style ressemble, etc. L'humain qui n'est pas capable d'assumer sa solitude n'est de toute façon pas apte à penser à appliquer des lois de l'immortalité. On va laisser faire l'éternité présentement et l'intemporalité pour se concentrer un peu plus sur l'immortalité. Juste avant que tu repasses à ça, c'est, ouais, c'est bien, la mortalité, l'immortalité, l'éternité... Et l'autre, c'est l'intemporalité. Finalement, c'est tous des états de conscience. Si... C'est uniquement des états de conscience. C'est ce que tu peux passer d'un à l'autre dans mesure où ta conscience change. Oui, exactement. Et c'est ce qui va compliquer la chose. Une personne va dire « Oui, mais moi, j'aimerais ça vivre 2, 3, 400 ans. » Oui, mais ça dépendra simplement de quelle attitude, qu'est-ce qui s'exprime à l'intérieur de ton corps. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir effectivement te rappeler. Donc, avoir une vie qui sera, au niveau de la conscience, planétaire, plus longue. Ce sont des états de conscience. Il y a des personnes qui trouvent que le temps passe vite. D'autres trouvent que le même temps passe lentement. On a déjà là une preuve réellement tangible de l'élasticité du temps. Une personne va dire « Oui, mais nos montres ont quand même tourné à la même vitesse. » C'est faux. C'est totalement faux. Moi, j'ai trouvé que le temps avait passé vite. Chaque fois que je le regardais, je trouvais que ça faisait une demi-heure. La mienne tourne drôlement plus vite que la tienne. Et toi, tu vas dire « Ben, voyons, elle tourne lentement. J'ai toujours ici même le goût de pousser l'aiguille à un moment donné, tellement le temps passe. » Bon. Les deux aiguilles, est-ce qu'elles ont tourné en même temps? Non. Oui, mais à un moment donné, quand on regarde les deux l'heure, c'est la même heure. Oui. Il y en a une qui a tourné très lentement, ça vous a étiré, votre conscience suivait la matière, c'est extrêmement étiré, puis il y en a une autre que la personne, elle a justement pu se retrouver quelque part ailleurs dans le temps. Les deux mondes vont dans la matière se retrouver dans le même temps. Mais est-ce qu'ils ont voyagé à la même vitesse? Non. Et l'humain va souvent penser que c'est une illusion psychologique. Ben, c'est une illusion. Qu'est-ce qui n'est pas illusion? Bon, on parle des maladies psychosomatiques, puis on refuse les guérisons psychosomatiques. Hein? C'est ton imagination. Tu penses que tu t'es guéri. Ben, crime, ton imagination, tu penses que tu étais malade. On accepte tout ce qui est négatif, on refuse le positif là-dedans. Alors, au niveau de l'élasticité du temps, c'est déjà un phénomène. Il y a des personnes qui vont vieillir plus vite que d'autres vieillissent plus lentement. Chronomètre biologique. Puis il y a des personnes qui vont trouver leur journée longue et plate, d'autres leur journée rapide. Toute la journée, j'ai fait une conférence aujourd'hui à des professeurs. Il y a une personne qui disait, il y a encore 3 semaines après ça, c'est les vacances à Noël. Là, j'ai dit, oui, effectivement, oui. Dans 3 semaines, là, ça fait 3 semaines de moins vivre. C'est hâte. La conscience de l'humain, c'est comme la personne qui dit, il y a une autre journée de fini. Eh oui, une autre journée de moins vive. Bon, yeah. Vers quoi? Quand t'es dans cet état-là, tu peux pas souhaiter devenir immortel. Les gens souhaitent être immortels quand même. Mais il y a une dualité. Il y a pas une dualité. Il y a une humaine contradiction. Parce qu'en même temps que tu trouves ça plate, tu veux vivre ça plus longtemps, c'est le calvaire, c'est l'enfer. Ben, tout le monde veut aller au ciel, personne veut mourir, c'est exactement la même chose. Lequel vient en premier? Est-ce que c'est pas le désir de l'immortalité, parce qu'on peut avoir le désir de l'immortalité, puis la vie est plate quand même, mais est-ce que c'est l'immortalité ou de se retrouver soudainement au ciel ou au paradis en vivant? Si on était très heureux de vivre à ce moment-là, on courbait le temps, comme tu dis, ouais, qu'on passerait d'une journée à l'autre, est-ce que c'est ça qui rend immortel ou l'inverse? Non, ce qui rend immortel, c'est de ne pas aller au ciel. Ben, c'est de l'amener ici. Ça, c'est autre chose, ça. Ça, c'est une mécanique qui est planétaire, qui va arriver dans les années à venir. Ce qui rend immortel, c'est de ne pas aller au ciel. Le ciel, c'est le monde de la mort. C'est l'endroit où vont les morts lorsque le corps physique n'est plus capable d'endurer leurs égos. Bon. Alors, la personne, elle décède. Puis on décide jamais de décéder, mais on décède. Et puis, le corps physique la relâche. La personne, elle gagne ce qu'on appelle le plan moronciel. C'est un endroit qui est temporaire où les âmes se retrouvent subitement à un moment donné. Si on peut réanimer le corps physique d'un individu, il va revenir en se rappelant sa visite du plan moronciel. Et dans le plan moronciel, on a des phénomènes intéressants. Plus l'individu connaît ces phénomènes-là, s'il meurt, plus il a des chances de ne pas mourir. Vous savez, il y a deux morts. La mort du corps physique, c'est celle-là qui est la plus évidente. Pourquoi? Parce que inconsciemment, traditionnellement, on est convaincu que quand le corps physique meurt, on est mort. C'est vrai et c'est faux. Disons, en réalité, c'est faux, mais ça sera pas long, ça va être vrai. Pour la majorité de ceux qui sont morts. Et l'individu qui connaît la mécanique, qui connaît donc les lois de l'immortalité, il a de fortes possibilités d'être capable de s'orienter différemment lorsque le corps physique va l'abandonner. Premièrement, on doit comprendre différentes choses. Une personne n'est pas immortelle si elle gagne le monde de la mort. Pourquoi? Parce que sa conscience est dissoute dans le monde de la mort. Donc, un individu, vous avez un accident d'automobile, vous avez un arrêt cardio-respiratoire, ce qui fait que vous êtes plus ou moins décédé. Les techniciens ambulanciers avec un médecin, arrivent à votre chevet, et puis on vous fait un massage cardiaque, on vous ventile les poumons, etc. On vous donne un paquet de médicaments que vous n'avez jamais eu le droit de prendre, c'est mauvais pour la santé. Et puis là, à un moment donné, on vous réanime. On réanime votre corps physique, en réalité, parce que vous, on ne vous réanime pas, vous n'étiez pas mort, vous n'étiez plus là. Alors, quand vous revenez, vous avez quoi à compter? Vous avez à compter ce que les gens ont compté au docteur Moody, ce que les gens ont compté souvent aussi à d'autres médecins. Vous avez vu plein de lumière. À un moment donné, peut-être que vous avez découvert votre corps. Vous avez vu des gens qui s'affairaient autour de votre corps. Vous avez entendu du monde crier. Et puis, à un moment donné, bien là, subitement, tout est commencé à devenir très, très, très lumineux. Et là, vous avez lentement vu la planète Terre de plus en plus floue, le monde autour de vous. Puis là, subitement, tout est lumineux, tout est joli, c'est beau. Vous n'avez plus mal, vous n'avez pas froid, c'est parfait. Et là, vous voyez peut-être un long canal, peut-être deux, trois canals, il y a des tourbillons de lumière, mais tout est plus lumineux, tout est plus coloré que d'habitude, c'est plus tangible. C'est sûr, vous n'avez plus la limitation du corps physique pour voir. Mais là, votre conscience est totalement dans le plan moronciel. Et là, à un moment donné, il y a des êtres qui viennent vous voir, ça peut être vos parents, ça peut être des amis qui sont décédés, ou ça peut être des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui sont tellement belles, c'est des êtres de lumière, alors on se sent rassuré. Et là, ces personnes-là peuvent nous prendre pour nous amener quelque part où ce qu'on veut aller. Puis là, subitement, on se sent attiré ailleurs, on se sent attiré vers la Terre. Alors, certaines personnes ont résisté, et la majorité, lorsqu'on réanime leur corps physique, sont obligés de revenir. Alors, finalement, ils reviennent dans une enveloppe relativement froide. Et puis là, ils vont entendre des sons. C'est encore le monde autour d'eux qui travaille. Puis là, ils reviennent à eux, puis merde, je suis revenu sur la planète Terre, c'est con. Puis là, ils voient subitement, le visage de ceux qu'ils connaissent, fait qu'ils se disent, c'est peut-être pas si con que ça, tu sais, c'est tant mieux. Ben, je suis vivant, yeah. Yeah, par principe. Parce qu'on a toujours eu peur de la mort. Parce que ceux qui sont revenus, là, moi, j'ai déjà écouté une émission des témoignages de ces personnes-là qui avaient connu la mort clinique, comme ça. Puis ma première question, c'était pourquoi ils ne se suicident pas tout de suite? C'est quelqu'un qui est allé dans un paradis. Oui. Mais ils ont tous, en quelque part, quelque chose qui leur dit que c'est pas ça. Faut pas qu'ils fassent ça. C'est ce qui fait que l'humain a peur de la mort. C'est que la mort, c'est parfait. Tout ce qu'on en a compté, c'est génial. Théologiquement parlant, quand une personne meurt, il y a des anges qui viennent le chercher. Mais quand tu fais un décès clinique temporaire, les êtres de lumière existent, sont là. Là, tu te poses la question, est-ce que c'est des anges ou pas? Mais une chose certaine, c'est qu'ils sont mauditement plus beaux que tous ceux que tu as vus jusqu'à date. Mais en même temps, il y a effectivement une information qui est quelque part chez l'humain qui fait en sorte qu'il ne se suicidera pas. Puis un être humain qui se suicide royalement, qui va dans le monde de la mort puis qui revient, il ne se suicide pas tout de suite non plus. Faudra que la vie le cœur en maudit pour qu'il recommence. Alors, il y a effectivement une information quelque part cachée dans notre conscience qui nous dit que toute cette beauté-là n'est pas le chemin. Alors, il y a un personnage, à un moment donné, que j'ai connu, qui lui, il a écrit un livre d'ailleurs, après la mort ou quelque chose comme ça, et il a accompagné des gens qui mouraient. Alors, il y a une personne qui l'a rencontré, une personne qui était assez âgée, est allée le rencontrer. C'est un personnage qui a une certaine forme de vibration supramentale intéressante. Il l'a ramassé chez quelqu'un d'autre, mais quand même, il s'en sert. Et c'est bien. Et la femme, elle lui dit, je vais probablement mourir prochainement, puis j'ai très, très peur de la mort. Alors, lui, il lui dit, écoutez, je peux peut-être vous accompagner quand vous allez mourir. Alors, elle ne s'attendait pas à autant là, de la part du bonhomme. Elle savait que c'était un guérisseur, qui faisait des choses, qui jouait avec les énergies vitales, ces choses-là. Alors, à un moment donné, la personne, elle s'en va. Bon, ils ont jasé ensemble. Et à un moment donné, lui, il prend conscience que la personne est probablement en train de mourir. Alors, il se couche, il part en voyage astral, il rejoint la personne, puis là, il l'accompagne. C'est la première fois qu'il pénétrait le monde de la mort. Il va, lui aussi, il rencontre les guides de lumière, il rencontre les canaux. Dans son livre, c'est écrit. Et puis, à un moment donné, eh bien, il suit le canal, il y a des personnes qui viennent, des choses comme ça. Bon, je le traduis un peu à ma façon, là, parce que son livre, je ne l'ai pas lu, mais je sais que c'est écrit dedans. Et puis, à un moment donné, eh bien, il pénètre dans ce qu'il appelle le ciel. C'est beau, c'est ouvert, c'est génial. Il rentre là-dedans avec la personne. Puis, subitement, il se rend compte que tous les deux, on vient de se faire fourrer royalement. Alors, il vient pour dire à la personne de faire attention, mais la personne, elle disparaît progressivement. Puis lui, il sent que son camp de là, il fuit. Il a accompagné deux personnes dans le monde de la mort. La première fois, il pensait qu'il s'était simplement trompé de porte. Lui, il ne l'a pas guidé, il l'a accompagné, c'est différent. Il l'a suivi en lui disant « je suis là ». La deuxième fois, il fait la même expérience, puis encore une fois, il conscientise subitement, violemment. C'est pas ça. Danger. Mais il reste avec lui, fait qu'il décolle. Le monde de la mort, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que ça permet à toute l'expérience planétaire de l'homme, de la femme et de l'enfant de ne pas être perdu. Ça permet l'amélioration évolutive de nos mémoires, de notre expérience, ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, ces mémoires-là, lorsqu'elles vont revenir dans un nouveau corps physique, on parlera donc de réincarnation, elles amèneront avec elles des mémoires qui vont nous permettre à nous, à nos âmes en tout cas, à nous de bénéficier du fait que nos âmes, ce qui se réincarnent, seront capables d'animer le corps physique. Imaginez, à un moment donné, vous avez été homme et femme des cavernes, hein? Vous n'aviez pas des skidous, messieurs, alors vous traîniez sauvage, tu sais, vous parlez la femme par la tête, par les cheveux. Moi, pas skidou, moi, traîne sauvage. Mais on avait des corps physiques extrêmement bruts. Ces corps physiques-là, on n'était pas capable de faire grand-chose avec eux. Lorsqu'à l'époque, un homme des cavernes aurait pris ce petit carton d'allumettes ici, il l'aurait saisi à pleine main, il l'aurait écrasé au complet, puis il n'aurait rien compris à rien. Bon. Alors, pourquoi à l'époque, on n'avait pas des verres comme ça en vite? Parce que ça, les cavernes, ils les ont tout cassés en les prenant. Hein? C'est une bonne théorie. T'sais, ils pensaient que technologiquement, mais non. C'est... Alors, c'était assez violent. De ce fait, l'homme pouvait geler. Il gelait pas. Il pouvait être blessé. Il en souffrait pas. Les corps physiques n'étaient pas les nôtres. À la longue, les corps physiques sont sensibilisés. Ils se sont améliorés. Et ils se sont sensibilisés. Le fait de porter des vêtements a fait en sorte qu'on a gardé, par exemple, nos sens tactiles, ce qui fait qu'on a un corps plus sensible, alors que ceux qui n'ont jamais de vêtements finissent par moins sentir l'extérieur, le vent, ces choses-là. On a raffiné le corps physique, on a des doigts beaucoup plus petits. Et certaines personnes ont dit, oui, les races s'affaiblissent. Non, les races évoluent. C'est évident qu'on n'est plus capable d'aller bûcher du bois comme nos ancêtres ou encore de travailler aller dans une forêt et faire un champ. Coupe toutes les arbres, arrache les racines, arrache les souches, attends 5, 6, 7, 8, 9 ans pour... non, plus capable. On prend des machines, puis même avec les machines, on trouve le moyen de chialer. Mais la race ne s'affaiblit pas. La race devient ajustée à différentes mécaniques d'évolution. Par contre, ce qui va arriver, c'est que les âmes de nos ancêtres ne peuvent pas travailler dans nos corps physiques. De ce fait, lorsqu'une âme va dans le monde de la mort, elle est dissoute, et elle va se mêler à tout ce qui est similaire à elle. Les théologies en parlent en disant que l'humain dans le monde de la mort, dans le ciel, retrouve ceux qu'il a connus et aimés, et il les retrouve pour l'éternité. Il se fusionne à eux. La religion ne va pas trop loin, quand même. mais il se fusionne. Toutes les mémoires se fusionnent. Ce qui va faire quoi? Ce qui va faire en sorte que présentement, vous avez un corps physique qui est constitué de l'expérience biologique évolutive de tous vos ancêtres. On en calcule près de 32 millions pour former un être humain aujourd'hui. Ce sont vos lignées génétiques, vos milliers, vos lignées familiales. Mais pour animer ces corps-là qui sont construits de toutes ces expériences des vies antérieures, les vies biologiques, ben ça prend une âme qui a la caractéristique de justement d'être associable à ce corps physique-là. Et cette âme-là, elle est créée en même temps que les corps physiques, c'est-à-dire que quand le corps physique, bon, l'homme et la femme vont mêler leur génétique pour engendrer un enfant, mais ce qui se réincarne là-dedans est aussi un mélange d'éliminés génétiques qui va s'adapter au corps physique de l'enfant pour être capable de l'animer. Mais ça, ce n'est pas nous, ce n'est pas vous. Mais traditionnellement, on pensera que c'est nous, à la longue, l'expérience. On se prend pour ça. On se prend pour de la mémoire. Qui êtes-vous? Ah, moi, je suis un raté. Tu t'es assis sur une chaise. Comment peux-tu dire que t'es raté? T'es bien assis sur la chaise. T'as réussi. Non, la personne regarde encore sa vie. Elle regarde encore son passé. Et ça, c'est un maudit problème parce que non seulement c'est ce qui va tuer l'humain, en plus, c'est ce qui lui colle un karma très, très, très puissamment après lui. Et en plus, c'est ce qui va faire souvent en sorte que l'humain va refuser de laisser s'exprimer le neuf qui apparaît chez lui uniquement à cause que, dans le passé, il considère que, selon les normes sociales, il n'a pas réussi à faire de quoi d'intéressant. Dans la Bible, si on suit l'évolution de Jésus-Christ ou du Christ, à un moment donné, plus au début, il dit qu'il est le Fils, puis à un moment donné, il dit « je suis », point final. Ben, une chance que lui ne fonctionnait pas comme la majorité des humains. Est-ce que c'est ça, quand on arrive à cette expression-là ou à ce sentiment-là, à dire « je suis », qu'on n'est plus tout ce qu'on était avant, qu'on non, est le Nazaréen, lui, à l'instant où Jésus a accepté le contact avec l'énergie christique, donc à l'instant où Jésus est devenu Jésus-Christ, il était immortel. Bon, il est devenu intemporel par la suite, puis le phénomène même christique, lui, est devenu intemporel, en plus d'être éternel. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est... Imagine le Nazaréen. Ah, imaginez-vous à place Nazaréen, la majorité des humains, qu'est-ce que ça leur a donné? Vous êtes le fils d'un menuisier. En partant, oubliez le ciel pour oublier tout, tu sais. Bon. Votre mère, elle travaille pas. Elle s'occupe des enfants. Puis apparemment, elle vous a eu sans contact sexuel avec votre père. Fait que ça, hein, ça veut dire qu'elle a eu à rencontrer d'autres menuisiers ou le laitier ou quelque chose. Bon, c'est pas drôle. Au pire, elle a rencontré un extraterrestre, tu sais. C'était pas Ephraim, là, mais en tout cas, machin chouette qui venait de l'ange Gabriel. Extraterrestre, c'était déjà l'ange Gabriel qui est venu lui dire ça va être petit. Bon, il a dit ça comment? Un langage que les indigènes comprenaient, tu sais, un langage tactile. Et là, vous êtes dans une région de la Judée, en Galilée. Il n'y a pas de Télex là-bas. Tu sais, y a absolument rien. On marche avec des ânes, il y a des Juifs. Puis en plus, on est Romains sur le dos. Alors, comment pensez-vous qu'un jour, vous, petit minable, allez parvenir à faire quelque chose? Bien, en oubliant. Voilà. En ne mourant pas à la mémoire, en laissant tomber ces choses-là. Ce qui fait que progressivement, vous êtes l'individu va se centrer sur lui, et non pas sur ses antécédents familiaux ou mémoriels. Alors, à un moment donné, vers l'âge de 9 ans, Jésus a le premier contact avec l'intelligence supramentale, qui alchimiquement porte le terme d'énergie christique. Théologiquement, lui parlera d'Esprit Saint, un esprit qui n'est pas coloré par la mémoire expérientielle, par l'âme humaine. Alors, à un moment donné, on va le rencontrer, puis sa mère, vers l'âge de 11 ans, on dit 12 parce qu'on aime bien les chiffres qui se calculent bien. Qui finissent par 12. 12, 40, etc. Bon, 21, qui est l'inverse de 12. Et alors, on va rencontrer sa mère à Père Jésus à un moment donné. Elle pense qu'il est avec le bonhomme pense qu'il est avec la bonne femme. Puis là, on sait plus trop ce qu'ils sont rendus. Et puis là, on revient au temple et on se rend compte que Jésus est en train de parler à des prêtres. Puis le pire, c'est que les prêtres l'écoutent. Ben, les prêtres, ils l'écoutent. Peut-être qu'ils parlaient comme moi. T'sais. Les prêtres n'ont pas le choix de l'écouter. Mais les prêtres étaient fascinés un peu. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que, écoute, qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, lui répond, je m'occupe des choses de mon père. Faut pas trop avoir de mémoire, tu sais, pas plus se rappeler c'est qui son père. À 11 ans. C'est Joseph, son père. C'est ça, voilà. L'enfant, enfin Jésus, ce qui s'autorisait, lui, s'autorisait à exprimer une vibration qu'il percevait dans la spontanéité, sans jamais la mettre en confrontation avec tout ce que la mémoire venait lui dire. Hey, écoute, le petit niaiseux, là, tu sais, t'as 11 ans, donc t'es un enfant. C'est quoi un enfant? Un enfant, c'est un imbécile qui doit apprendre à être grand pour avoir la paix, pour avoir des journées de maladie, pour avoir, etc. Tu sais, là, pour l'instant, quand tu seras grand, tu verras. En attendant, ta mère, ton père te cherche. C'est moi aussi, je me cherche. Lequel qui prime sur celui qui cherche qui? L'enfant vit ce qu'il vit là, donc nécessairement, ça va avancer. À un moment donné, il y a un prêtre qui a peut-être lui dire quelque chose. L'enfant va répondre immédiatement. Mais on répond pas à un prêtre. Pourquoi? Mais la tradition dit que... mais c'est quelqu'un qui a pas de mémoire, là. Qui a vraiment pas de mémoire. Puis qui ne cherche pas à en cultiver une mémoire. On parle pas d'une mémoire, savoir où vous restez. Un jour, vous le saurez plus non plus. Vous allez le savoir uniquement quand vous allez rentrer chez vous. Vous le saurez pas autrement. Ce qui nous arrive fréquemment, si je vous demande pas votre adresse, vous vous en rappelez pas tout le temps que vous en avez pas besoin. C'est logique. Imaginez si vous voulez que vous mainteniez dans vos mémoires conscientes tout ce que vous avez besoin au cas. Vous en sortirez plus. On doit donc se fier à quelque chose, se fier à ce qu'à un moment donné, ça va revenir quand on en aura besoin. Mais on se fie à la mémoire. L'instantanéité, l'Esprit Saint, l'énergie christique, c'est encore plus fiable. Mais on s'y fie pas. Pourquoi? Parce que c'est l'ego qui se fie à la mémoire, puis l'ego est une créature de mémoire. On dit qu'Albert Einstein ne se souvenait pas de son numéro de téléphone. Il disait que s'il en avait besoin, il serait dans le bottin. Mais il avait raison. Il avait raison. Est-ce qu'il avait tort? Il avait pas besoin de son numéro, il s'appelait pas. S'il en avait besoin, il serait dans le bottin. Puis en plus, ça lui permettait de ne pas se faire trop déranger. C'était très intéressant. Mais la mémoire à court terme, ou dans ce cas-là, Jésus, dans l'exemple de Jésus-Christ, lui, il n'y avait pas juste les mémoires à court terme, il y avait toutes les mémoires. C'est parce que la conscience prenait de plus en plus de place. Oui, l'avantage de Jésus puis de son contact avec son esprit, avec lui-même, avec l'intelligence supramentale, c'est qu'il a été capable de supporter le fait que... Parce que vous savez ce que c'est qu'un contact avec l'esprit, avec l'intelligence, c'est ce qui va amener à l'immortalité à un moment donné. Ça va simplement être ceci, c'est que si vous voulez atteindre un état particulier, vous allez devoir abandonner les autres états. Vous ne pouvez pas devenir un être humain tout en continuant à courir à quatre pattes dans un champ. Puis j'ai rien contre que tu cours à quatre pattes. Ce que je te dis simplement, c'est que tu ne pourras pas devenir un être humain tant que tu continues à manger de l'herbe. À quatre pattes dans un champ, je ne parle pas des végétariens, là. Bon. Ce qui est important, c'est qu'il y a des choses que l'humain doit abandonner s'il veut atteindre d'autres étapes. Et la problématique de l'humain, c'est que inconsciemment, on sait... Donc, ça nous, on sait des choses. Je ne parle pas connaître. Il y a bien des choses que vous savez que vous n'avez jamais appris. À un point tel que vous les savez sans être capable d'en parler. Mais on le sait. C'est ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, vous allez dire, c'est exactement ça. Hein, vous reconnaissez dans la parole de quelqu'un quelque chose que vous saviez. Ben, il y en a qui ont les mots, il y en a qui sont capables de le verbaliser, d'autres moins. Mais on sait des choses. On sait ce qu'on doit manger. Je ne dis pas on connaît ce qu'on doit manger. À un moment donné, on se dit, oui, mais là, je suis mélangé, qu'il y a tellement d'affaires qui ont été écrites. Fie-toi à toi. Tu sais, vas-y à toi. Repas. Oublie tout ça, puis vas-y toi-même. Tu vas être capable de t'enligner drôlement bien. Mais il faut que tu laisses tomber la mode, la tradition, l'éducation, pas quelque chose. C'est pas que ça a été nuisible, c'est qu'à un moment donné, ça va devenir nuisible si tu veux atteindre un niveau où tu te retrouves toi-même. Et l'être humain qui meurt, qu'est-ce que c'est ce que c'est? C'est un être humain qui n'a pas centré, qui n'a pas confirmé sa conscience dans la vie. Quand je parle de la vie, je parle de sa présence dans un contexte évolutif. Donc, dans un contexte évolutionnaire comme le contexte planétaire. Ça veut dire quoi, se confirmer sa conscience? Ça veut dire être capable subitement de se reconnaître en tant qu'être humain individuel. Donc, de cesser de dépendre de la collectivité d'autrui. De cesser de dépendre de l'expérience mémorielle de la planète. Donc, je n'ai pas besoin de lire un livre sacré pour que ça crée quelque chose chez moi, pour que je me retrouve. Je n'ai pas besoin de lire un livre traditionnel. Je n'ai pas besoin non plus de m'associer à un conférencier. Par contre, je pourrais prendre de l'information d'un conférencier, je peux prendre de l'information dans un livre sacré, je peux prendre de l'information ailleurs, chez d'autres individus, mais ce ne sont pas des opinions que je vais prendre. Ce sont des informations. L'information ne me va pas avec ce que... Je laisse tomber. L'information me va avec ce que... Ben là, je m'en sers. Parce que l'information d'autrui peut nous permettre de terrestrifier notre savoir supramental, c'est-à-dire le savoir, la certitude sûre qu'on n'est pas uniquement de la boue. Terrestrifier, ça veut dire mettre dans la matière. On dit grounder quand on parle québécois. Alors, terrestrifier, ça peut nous permettre de le faire. On aura des mots à un moment donné pour instruire l'ego. Est-ce que c'est réellement l'information qu'on prend ou l'énergie qui soutient l'information? C'est tout ça au complet. C'est les deux. L'ego va prendre l'information, puis toi, tu vas prendre, tu vas bénéficier de l'énergie qui soutenait l'information. Alors, il va arriver un moment donné où l'être humain va, par exemple, mourir. Le corps physique meurt. Pendant combien de millions d'années on a répété que c'était une enveloppe de chair, puis que c'était pas un problème, puis que c'était pas grave, que faites-vous-en pas, puis on continue à s'en faire. Puis en même temps qu'on continue à s'en faire, on parle à nos enfants d'un monde meilleur après la mort, on parle de la réincarnation, on parle de différentes choses, puis on continue à s'en faire. Et ça crée un problème, parce que celui qui sait pas mourir, probablement saura jamais vivre. Alors on doit finir par régler cette problématique-là. Aurait pu avoir peur du monde de la mort, mais on doit connaître certaines choses dans le monde de la mort pour plus y aller comme ça. Mais pour ne pour ne plus avoir peur, parce que, comme on disait tantôt, inconsciemment ou en arrière, en quelque part... On sait qu'on peut se faire tromper. Il y a une mécanique qui dit « fais attention », donc c'est peut-être pour ça qu'on a peur. On va en parler du « fais attention », puis maintenant, on n'aura plus peur. Hein? Maintenant qu'on va tout savoir comment on peut se faire ramasser là-bas à coup de batte de baseball, hein, on n'aura plus peur. Premièrement, une chose qui est évidente, c'est que l'être humain qui quitte son corps de chair n'est pas mort. La preuve, j'en ai réanimé suffisamment de personnes à l'époque où je travaillais pour Urgence Santé, un peu avant, un peu après, mais surtout à cette époque-là. Les gens reviennent à eux. Dans une église, c'était comique. Pas parce que la personne était en arrêt cardio-respiratoire, mais ce qui était comique, c'est de voir le prêtre qui faisait déjà ses prières pour que la personne gagne le monde de la mort, pendant que nous, on faisait tout pour qu'elle gagne pas le monde de la mort, qu'elle gagne le monde de la chair. Il mettait son pied sur le tuyau d'oxygène et vibrait. Il était pas à ce point-là, mais c'était... Et puis, quand on l'a réanimé, ben là, il a remercié Dieu, finalement, que ses prières à lui n'avaient pas été exaucées. Mais il y a énormément de gens, j'en ai revu par la suite, il y en a qui se rappellent absolument de rien, il y en a d'autres qui nous comptent des histoires absolument invraisemblables, mais qui sont vraisemblables, finalement, parce que c'est ce qu'ils ont vécu. Alors, quand c'est une personne, tu penses qu'elle est folle ou encore qu'elle a manqué d'oxygène ou etc., mais quand c'est un paquet de personnes qui ont les mêmes symptômes, qui vous comptent les mêmes histoires, on finit par se dire, ben là, il y a de l'expérience, il y a un masse de mémoire prouvant que c'est vrai. On se fait encore rien qu'à la mémoire. Parce que, tu sais, on prend juste un exemple, qui t'es pour dire ça? Ben, qui t'es pour dire ça, putain? Ou encore, ouais, c'est toi qui le dis. Ben, faudrait qu'on soit 10 000 à le dire, hein, pour que tu nous crois. C'est ça, le problème du collectivisme. C'est toi qui le dis. Oui, c'est évident, c'est moi qui le dis. C'est moi qui ai la bouche. Bravo, t'es perspicace. Les individus, le corps physique meurt, l'être humain n'est pas mort. On peut le ramener à la vie. Et on peut même faire autre chose qui se fait de moins en moins fréquemment, mais qui va recommencer à se faire. C'est de travailler avec un principe qu'on appelle des êtres contrôle, mais ce ne sont pas des personnalités. Et c'est de prendre un individu qui vient de mourir, son corps physique n'est plus capable de le récupérer, puis de prendre l'individu, puis de l'amener dans un corps physique de quelqu'un qui veut se suicider. Suicider l'individu qui veut se suicider, c'est-à-dire autoriser son suicide. Normalement, il y a une entente qu'on fait au préalable avec la personne. Alors, elle ne souffre pas rien, elle gagne simplement le monde de la mort. Et l'autre individu gagne son corps à elle, puis elle continue à vivre. Il y a quelques personnes qui ont vécu ce genre de mécanique. Et puis, ça va redevenir un peu plus fréquent à un moment donné, quand il y aura intelligence, de préserver un individu ou une conscience astrale ou une conscience supramentale, donc une conscience christique. Dans un paramètre planétaire, tant que l'individu n'a pas réussi à se préserver elle-même des problématiques du monde de la mort, donc du ciel. Alors, l'individu perd son corps de chair, vous n'êtes pas mort, vous êtes loin d'être mort. Qu'est-ce qui quitte le corps en premier, là? C'est l'âme ou la conscience? Qu'est-ce qui quitte le corps en premier? En premier, il y a le décès du corps physique là, théorique, là, le corps. Les deux en même temps. Les deux, l'âme est connectée, c'est-à-dire la conscience est connectée à l'âme, oui. Puis elle est connectée au corps. Là, c'est que la conscience s'exprime dans le périsprit, qui est la partie mentale, qui, à un moment donné, deviendra supramentale. C'est ce qui va créer le double éthérique. La conscience est préservée dans le périsprit. Périsprit, c'est l'enveloppe de l'âme, c'est de l'énergie. Et à l'intérieur, il y a les mémoires qui, elles, sont aussi de l'énergie, une énergie un petit peu plus basse, qui contient de la forme, c'est de la mémoire, de l'information. Alors, les deux quittent en même temps. Et là, ce qui va arriver, vous êtes dans le plan moronciel, vous comprenez toute la mécanique, vous êtes conscient. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas qu'ils sont morts, mais ils savent où ils sont là. Hein? C'est le premier rêve clair qu'elles font. Et le rêve vire au cauchemar, rarement. Pourquoi? Parce que là, il y a des entités lumineuses qui viennent vous rencontrer. C'est merveilleux, c'est génial, c'est parfait. Et en même temps, si vous vous dites, écoute, j'ai plus le choix, le corps physique, là, il est là, t'sais, il manque des morceaux, vous allez suivre. Si tu as le choix, si tu es extrêmement spirituel ou extrêmement émotif, probablement que tu vas vouloir suivre ces entités lumineuses parce que, pendant longtemps, le monde astral aura, par l'intermédiaire de certaines personnes, convaincu des individus que c'est ce qu'il faut faire, suivre. Et il y a même des monastères avec des prêtres et des sœurs qui prient toute leur vie dans toutes les religions pour instruire les âmes, justement, qui ne trouvent pas le ciel, pour leur montrer le chemin. Ce qui est très bon, tant que tu n'as pas la possibilité de devenir immortel. Je reviens encore là-dessus. Immortel avec votre corps physique, honnêtement, c'est ça que vous recherchez. Alors, passez une heure à vous regarder dans le miroir, puis après ça, on en reparlera si vous voulez continuer dans ce corps-là. Hein? C'est une bonne chose. Bon. Ce qui est important, c'est pas l'immortalité dans le corps physique. L'immortalité, c'est au niveau de la conscience. Quand vous allez être rapatrié sur le plan planétaire, allez-vous encore devoir repasser à zéro ou si vous allez vous rappeler de ce que vous avez fait? C'est ça qui est important. Parce que l'immortalité, c'est ça. C'est l'immortalité de la conscience. Oui. Pour le reste, c'est pas important. On change de corps physique, on change d'automobile. Imaginez que pour devenir immortel, vous avez usé votre corps au maximum. Bon, ben là, vous pouvez dire, oui, mais je pourrais peut-être le restaurer. Ben oui, OK, 50 ans, 30 ans ou 40 ans de restaurer. Alors que si tu reviens, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. L'idée, c'est pas le corps physique. Il y a des individus qui sont capables d'emporter leur corps à leur mort. Donc, d'énergiser, de christifier le corps de chair pour finalement faire un corps de lumière. Et eux, bon, auront sauvé leur corps de chair. On s'était appelé à conduire avec une bagnole puis à tout bosser. Ben là, maintenant que tu le sais, pendant 9. Ben, ça serait logique. Ouais. Hein? Il y a des personnes qui peut-être vont dire oui, mais c'est mon bon char, puis c'est ici, c'est ça. OK, parfait. Tu n'auras jamais de radio FM qui va fonctionner comme il faut, puis il faudra toujours que tu ailles ramener ton toit, puis tu auras de la rouille, puis tu avanceras pas vite, puis bon. Mais. L'être humain, donc, meurt, il se ramasse dans le plan moronciel, et là, ce qu'il doit faire, c'est de ne pas suivre les guides de lumière. C'est intéressant, on a toujours dit qu'il fallait les suivre. Même quand on est vivant, il faut les suivre, mais il ne faut pas les suivre, les guides de lumière. Suivez votre intuition. Suivez pas ce qu'on va venir vous amener. Autrement dit, suivez pas non plus ce que je vais vous dire. Bon, ça vous arrange, hein? Parce que c'est quand même comme ça. Pourquoi? Parce qu'on doit simplement se fier à l'énergie, se fier à ce qui se passe chez soi. L'intuition, vu que la conscience est encore là, on l'a... à peu près de la même façon qu'on l'a. Elle est très bonne, puis elle est très forte. L'intuition va crier carrément aux oreilles de l'ego, écoute, va pas là. Puis l'ego, lui, pendant toute sa vie, puis pendant toutes les vies antérieures, au niveau des religions, de l'information spirituelle ou ésotérique, on lui a bien dit, on l'a bien formé, de suivre ces choses-là. C'est de la lumière. Tu veux des cristaux? Ben, c'est des cristaux qui viennent te chercher. Bon, tu voulais avoir un grand ange avec toi, quatre paires d'ailes, il va venir. On va te donner ce que tu as besoin. Puis normalement, tu vas suivre. Alors, il arrive ceci. Les lois de l'immortalité sont celles-ci. L'être humain qui perd son corps de chair doit rester lui-même, garder sa conscience, se centrer sur lui plus que jamais et ne pas suivre les guides de lumière. Il va se passer des petites choses. Ce que je dis là, c'est des choses que je n'ai pas dit en conférence régulière jusqu'à date. Ce qui va se passer, de deux choses l'une. Où l'individu a déjà un double éthérique en constitution, on pourra en reparler un peu, ce qui fait qu'il y a un qui allait se cacher là-dedans, puis il va pouvoir venir à se réincarner en se rappelant totalement ce qu'il a été. Bon. Mais l'individu qui n'a pas de double éthérique, des fois, de constitution... Juste avant, là, s'il y en a un double éthérique, il va le savoir. Il va le voir, il va le sentir, il va le percevoir. La majorité l'ont su. Puis maintenant qu'on en parle, tous ceux qui ont un double éthérique en constitution le savent, et ils vont directement se cacher dedans. On va juste parler d'abord un petit peu du double éthérique, et puis après ça, on parlera de l'individu qui peut mourir, mais qui n'a pas encore eu le temps d'en faire un suffisamment gros pour le recevoir. Qu'est-ce que lui a à faire? Un double éthérique, c'est un double de votre conscience, c'est-à-dire que c'est un corps qui est exactement similaire à votre corps de chair. Ce n'est pas un corps astral, c'est un corps moronciel, c'est un corps vital, c'est un corps éthérique, qui lui est créé à partir de ce qui, chez vous, est le plus purement exprimé. C'est une copie conforme de votre conscience, mais ce n'est pas une copie conforme de la mémoire de votre conscience. Donc, ce n'est pas une copie conforme de votre expérience. Ce n'est pas une copie conforme de votre âme. C'est une copie conforme de votre conscience. Du savoir instantané que l'individu parvient à exprimer. Le double éthérique, ça se crée par l'anégoïsation, c'est-à-dire que plus l'être humain fait fondre son ego, plus l'humain crée un double éthérique. On pourrait dire, plus l'humain est humble, plus il a un double éthérique. La négoïsation, ça crée une humilité qui n'est pas forcée. Tu ne peux pas faire semblant d'être humble. C'est tu es humble ou tu ne l'es pas. Donc, tu es anégoïque, sans ego, ou bien non, tu es avec de l'ego. La négoïsation, elle se crée par la fonte de l'ego. Donc, plus l'ego fond, on a encore de l'ego, mais on crée un double éthérique. Et encore une fois, plus on s'anégoïse, moins on a de coloration face à la spontanéité, donc à l'instantanéité. Donc, on est de plus en plus transparent au passage de l'énergie, donc de la conscience. C'est ce qui va faire dire aux théologiens que vous allez finir par avoir une âme pure. Une âme pure, c'est une âme qui est diaphane, qui laisse passer la lumière, donc qui laisse passer de l'énergie, sans l'arrêter à tout bout de champ pour la remettre en question. Poser des questions, puis savoir, douter, etc. C'est typique de l'âme au niveau de la mémoire. Une âme humaine, une âme qui n'est pas pure, est toujours en train d'essayer d'expliquer le neuf avec le vieux, ce qu'elle est elle. C'est pas mauvais dans un certain contexte, mais c'est très pénible et très nuisible dans d'autres contextes. Ça crée des fièvres de l'évolution. Alors, l'individu qui s'anégoïse va donc nécessairement, progressivement, il va devenir humble par le simple fait qu'il n'aura pas d'ego. Alors, à un moment donné, toi, tu t'anégoïses, et puis que je passe sur la rue, je te vois, tu t'anégoïsant comme ça sur le trottoir. Alors, je m'approche, et puis je te donne une claque en pleine face. S'il est anégoïque, il réagira probablement pas. Il va avoir l'air d'un gars lunatique. T'es paf! Te regarde. Là, il n'y a probablement pas trop d'ego chez lui. Alors, je vérifie. Paf! La deuxième joue. Le Nazaréen, ce qu'il va dire, c'est que l'expérience, l'expression d'un individu anégoïque, c'est que quand il donne une claque sur une joue, il fera rien. On peut dire qu'il va même tendre l'autre joue. Je sais pas s'il m'a t'as oublié celle-là ici, tu sais. C'est pas ça. Mais c'est l'impression qu'on aura de l'être humain égoïque. Et on va dire, s'il peut faire ça, il va nécessairement être capable de suivre le chemin du Nazaréen. Il a ouvert les portes du ciel. Pas pour qu'on rentre, pour qu'on puisse sortir. Maintenant. S'il se laisse frapper de même, il va y aller vite au ciel. Oui. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que s'il était... Oui. C'est quoi le problème? C'est pas mieux de l'arrêter. Posons-nous la question convenablement. Ouais. Si à chaque fois que je frappe dessus, il fait un égoïste, il n'y a aucune problématique. Pour l'animal humain, pour toi qui es dans ta grande chaise à l'observer, tu vas dire, ouais, mais là, il va finir par mourir. Il va avoir un corps de lumière, probablement, par exemple, drôlement rapidement. Mais celui qui ne comprend pas, qui veut le copier, ben là, il va aller se martyriser, lui, là. Il va aller achaler des personnes qui peuvent boxer un peu pour se faire taper dedans. Mais il ne faut pas que ce soit quelqu'un, justement, qui joue à ça, parce que là, il va se faire martyriser en plus d'être mais il y a pire. Très celui mortel. Mais il y a pire. Celui qui joue à ça, ben c'est ça. Celui qui joue à ça, non seulement il s'en égoïse pas, mais en plus, il s'égoïse. C'est pourquoi l'être humain doit être honnête. On parle des lois d'immortalité, transparent avec lui-même. Quand on parle de sincérité, sincérité, c'est simplement une attitude qu'on a chez soi. C'est pas une question de jouer. Veux-tu sincèrement évoluer? Oui. Parfait. Je prends encore notre ami ici, puis je lui mets la tête dans une balle de toilette. Je le tiens là-dedans. Puis là, il gigote à un moment donné. Je le tiens là-dedans. Il gigote bien fort. Il faut venir m'aider. On le tient là-dedans. Là. Puis là, il gigote en tabarnouche, là. Puis là, quand il commence à gigoter un peu moins, on le sort. Puis là, c'est simple. Si tu veux évoluer autant que tu voulais de l'air, tu vas t'en sortir rapidement. C'est ça, la sincérité. Là, il était sincère. Il voulait respirer. Il était très sincère. Toutes ses énergies étaient focalisées sur une seule chose, respirer. Il était sincère. L'individu qui veut évoluer sincèrement évolue comme ça. Ça veut dire que c'est pas un passe-temps, son évolution. Ça veut pas dire non plus qu'il est toujours là, une fois qu'il veut respirer. Il se prend une rue puis il va être sûr. Non, c'est pas ça. L'individu qui va évoluer, il est pas toujours là en se demandant s'il a bien fait, puis s'il évolue comme il faut, puis c'est... Non, c'est pas ça. C'est un individu qui se sert de toutes les occasions de la vie pour apprendre, pour avancer. Pour respirer. Exactement, respirer de l'énergie. Là, il est sincère. On doit donc être sincère, on doit être humble. Humble veut dire un égoïque. Et j'insiste sur le phénomène, l'humilité est un mot dangereux. C'est facilement émotivisable, puis on peut facilement jouer avec le mot. Je suis humble, puis je m'en vante, tu sais, finalement. Bon, alors, l'anégoïsation, c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'on connaît les caractéristiques de l'ego. Si l'ego vient s'exprimer, de toute façon, tu n'es pas suffisamment anégoïque. Mais l'individu peut être en anégoïsation, donc il crée nécessairement un double éthérique. C'est un véhicule... que le, si, par exemple, notre ami ici s'en égoïse, tu lui donnes une claque en plein visage et il ne réagit pas comme un égo humain. Alors, l'égo humain, donc les observateurs à côté, pourront peut-être penser, il est carrément siphonné, ce gars-là. C'est vrai. Pas comme vous pensez. Effectivement, son égo est siphonné. Bon. Et on aura des problèmes à comprendre son comportement. Le Nazaréen, c'est la même chose. Imaginez qu'on vient le rencontrer pour lui dire, lui offrir un poste, devenir chef de la première guérilla planétaire, les Zélotes. Et puis lui, ce qu'il trouve à dire à Barabbas, c'est « Écoute, tu devrais aimer tes ennemis. Ben, » il n'y a pas un être humain sensé qui va dire ça. Hein? Allez voir les Américains pour leur dire « Aimez les Irakiens. » Ça ne se fait pas, sauf si on a une âme pure sans mémoire. Comment aimer nos ennemis? Ben, si tu ne sais pas que c'est tes ennemis. Si pour toi, ils ne peuvent pas être tes ennemis. Là, c'est facile de les aimer. Lui, le Nazaréen va expliquer des mécaniques que l'humain ne pourra pas appliquer avant. Mais quelqu'un qui aimerait son ennemi aussi sincèrement, comme ton gars qui voulait respirer dans une boîte de toilette tantôt, ou comme celui qui se promènerait sur le trottoir, qui recevrait une gifle, probablement que s'il était réellement, vraiment anégoïque, et l'autre qui voudrait lui donner une tape, il se casserait le bras avant de le toucher. C'est ce qui va arriver. Comme les Américains ne se feraient pas tirer par les Irakiens non plus. C'est exactement ce qui va arriver. Sauf que du point de vue du principe de l'ego, il faut qu'on explique une mécanique. C'est évident qu'à un moment donné, on le rencontre encore une fois dans le métro, il est anégoïque, donc il n'y a pas d'ego. Le rayonnement qui va se dégager de ce gars-là va être assez puissant qu'il va inhiber tous ceux qui vont vouloir venir l'écœurer. Même qu'une personne va dire « Hey, c'est un être de lumière, m'aller le péter, c'est m'aller parler. » Il va s'approcher, puis non, il ne pourra rien faire. Rien faire. Au mieux, il va se sentir bien près de lui. Sinon, il va même se sentir mal. Parce que l'ego va vouloir venir toucher une âme pure. L'individu, donc, être transparent, être sincère, être honnête. Nous, on a parlé souvent de la transparence et de l'honnêteté. C'est essayer de se compter des pipes. On a l'ego qu'on est. On n'est pas ce qu'on est. On ne sait pas ce qu'on est. On a des intuitions qu'on n'est pas si pire que ça. Mais on est charrié et on est manipulé en maudit. Hein, l'individu qui regarde sa mémoire encore une fois, puis ça regarde la bedaine, puis il se dit « Écoute, moi, tu sais, je te vois être ben, bon, regarde, j'arrive même pas à contrôler mon alimentation. » T'as un virus chez toi qui s'appelle l'ego, qui habite une arme, puis qui te manipule à bouffer. Ce n'est pas l'humain, ça, là. Ce n'est pas l'homme. Quand il sera évolué, il aura le corps de chair qui ira avec son évolution. Mais adapter et améliorer le corps de chair uniquement dans le but de se créer l'illusion qu'on est un être évolué, vous devenez végétarien parce que vous évoluez, c'est faux. En devenant végétarien, on n'évolue pas. En restant carnivore, on n'évolue pas. Mais à un moment donné, probablement que naturellement, les êtres qui évoluent vont devenir végétariens. Mais il y a une grosse nuance entre être végétarien pour se dire qu'on va évoluer, puis le devenir paraît bon. L'individu qui se laisse taper dedans quand c'est pas le temps, il s'égoïse. Il fait comme les pharisiens en cause du Nazaréen, qui priaient ou qui jeûnaient, puis qui s'en plaignaient sans arrêt. Ben, il le faisait. Il le faisait pas. Qu'est-ce qu'ils voulaient? De l'énergie pour que les gens les reconnaissent? C'est ce qu'il y avait comme récompense aussi? On les regardait, bon, ils trouvaient beau. Bon. L'être humain doit être transparent. L'être humain doit être sincère au niveau de son évolution. Et progressivement, il va finir par avoir autour de lui une substance qui va être son double éthérique. Je passe quand même un peu là-dessus. C'est des sujets surtout qu'on touche dans des conférences à la longue ou encore en séminaire. L'individu va avoir un double éthérique de créer. Si son corps physique de chair le lâche, il va se ramasser dans le plan moronciel. Les entités de lumière vont venir le voir, mais il va reconnaître une lumière beaucoup plus puissante, celle du double éthérique. Et la conscience qui l'habite va aller se cacher là-dedans pour se réincarner. Puis vu qu'il y a moins d'ego parce qu'il s'en égoïse, il va mieux l'entendre ou l'apercevoir que quelqu'un qui a l'ego. Surtout qu'un guide de lumière ou les entités spirituelles qui viennent du monde de la mort sont comme des aimants extraordinairement puissants sur les égos. Moins t'as d'ego, moins t'es attiré. Puis ce qui va arriver à un moment donné, c'est que la partie d'ego qui vous nuit, elle va être attirée, elle. Vous allez la regarder sans aller, puis là, vous allez faire réellement conscientiser, tiens, ma mémoire qui s'en va. Puis vous allez rester dans l'instantanéité, puis vous allez savoir ce qu'il faut faire. On n'a même pas besoin de le dire, ça. L'individu qui n'a pas de double éthérique suffisamment constitué peut lui aussi revenir ou préserver sa conscience. Parce qu'encore une fois, l'immortalité, c'est au niveau de la conscience. Ça va engendrer l'immortalité physique jusqu'à temps qu'on décide qu'on n'a plus besoin de ces enveloppes-là. Mais temporairement. Il fait ça comment, celui qui n'a pas de double éthérique? Bon, l'individu, bon, le corps physique le lâche, hein, c'est utile, tu sais, que le corps physique meurt pour aller dans le monde de la mort. Alors, on gagne le plan moronciel, on voit encore les entités de lumière ou de ces choses-là, puis là, c'est le temps d'appliquer ce que vous auriez dû ou ce que vous faites ou ce que vous devriez faire tout au long de votre vie. Ne faire confiance à personne. C'est le temps, là, de l'appliquer. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que les individus qui viennent nous voir sont des individus qui sont exactement comme les individus qu'on espère rencontrer un jour dans notre évolution spirituelle. Et l'évolution spirituelle, elle a un défaut, c'est qu'elle est basée uniquement sur notre émotivité. Puis l'émotivité, elle a un défaut, c'est qu'elle est uniquement basée sur notre expérience, notre éducation et nos réincarnations. On aime les noirs parce que dans nos mémoires, il y a des choses qui vont avec. On les déteste parce que dans nos mémoires, il y a de l'éducation, des choses qui vont contre. C'est l'émotivité. Alors, nécessairement, ce qui va arriver, c'est que si vous avez... Le phénomène manipulateur qui doit venir vous chercher va venir exactement comme vous l'attendez. Ça, c'est officiel. Quand je dis ne faire confiance à personne, ça veut nécessairement dire ne pas me faire confiance non plus. On n'est pas là pour se faire confiance. On est là pour travailler ensemble. C'est extrêmement différent. Moi, je peux vibrer et résonner énergétiquement à certains individus, ce qui fait que spontanément, instantanément, je sais qu'on est sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas une confiance, c'est une certitude. Alors, je travaille avec eux. À un moment donné, je les rencontre un matin, ils ne vibrent plus ça. Je n'ai pas confiance. Je sais qu'aujourd'hui, ils ne sont pas les mêmes personnes. Le lendemain matin, ils revibrent ça. Je suis encore à leur niveau. Alors, je n'ai pas besoin d'expérimenter par essai et erreur, par exemple, de me faire avoir deux ou trois fois, puis par la suite, plus être capable de reconnaître l'évolution, l'amélioration de l'individu en me disant « Ah, oh, lui, on le connaît, c'est un voleur. » Il a peut-être changé. Et puis, il n'a peut-être pas changé, mais on va le savoir que la vibration, ce que l'être humain doit faire, donc ce que vous devez faire, puis encore plus quand on perd le corps de chair, ça se fait plus facilement si on a appris à écouter un peu ce qu'on est. Vous devez vous fier à votre capacité de discerner. On doit se fier à notre capacité de discerner. C'est simple. De temps en temps, on n'a pas encore l'habitude de cette saveur. De temps en temps, on va dire « Ouais, mais je me suis trompé. » Ça, vous ne pourrez jamais prouver que vous vous êtes trompé. Donc, c'est encore juste une question de vision astrale, de vision de l'ego. Regardons ceci. Qu'est-ce que c'est la capacité de discernement que l'individu peut avoir? C'est pourtant très facile à comprendre. Vous venez ici ce soir, il y en a qui viennent pour la quelquesième fois, puis il y en a d'autres, c'est pour la première fois. vos mémoires, je veux pas savoir ce qui s'est passé avec. Par exemple, de temps en temps, on peut heurter une forme. C'est pas ça que vous devez étudier. Parce que la journée que je vais, par exemple, qu'une personne arrive et vous donne du miel, il heurtera pas de forme. Puis vous allez dire, c'est hey, lui, il est dangereux en maudit. C'est pas celui qui vient te heurter qui est dangereux. Non. Mais l'intuition, c'est-à-dire que l'impression, le sentiment, mais pas mémoriel, l'impression sur le moment, l'atmosphère, l'attitude, qu'est-ce que l'on sent? Ça, on doit apprendre à développer notre capacité de goûter cette saveur-là. Parce que ça, c'est vous dans la réalité, dans la spontanéité. C'est toi, qui frappe à la porte d'une espèce d'enveloppe qui est l'ego, qui est l'âme, qui est de la mémoire, pour dire, écoute, lâche la mémoire. Un jour, il est venu, il était bleu, mais les autres bleus, c'est pas les bons. Merde, c'est jaune. Puis à un moment donné, tu auras expérimenté le jaune, puis subitement, elle sera violet. Puis là, notre mémoire, nous, on va chercher du jaune. Puis ça crie moins fort que l'ego, la conscience. C'est plus subtil. C'est poli. C'est-à-dire, pour celui... Plus on... Ça crie pas. Ouais, ben, moins il y a d'ego, plus tu l'entends. Mais oui. ça parle toujours sur le même ton. Ça fait que s'il y a beaucoup d'ego, on l'entendra pas. Ouais. Non. De temps en temps, on le sait, puis on veut pas le savoir. On le sait, c'est là, puis on veut pas le savoir. Là, on parle de notre bonne conscience, puis la mauvaise conscience. Oh, c'est intéressant comme ça. Mais ce n'est pas exactement ça. L'être humain, qui de son vivant déjà, doit savoir. Vous allez acheter une maison, vous voulez déménager, vous rentrez dans une maison, puis... Bon, ben, attendez pas qu'on vous la vende, OK? Mm-hmm. C'est pas la place. Oui, mais j'ai pas le choix. Là, c'est vos mémoires qui viennent vous la vendre. Attendez pas. Oui, mais il faut qu'on s'adapte. Oui et non. L'être humain est un être qui adapte le milieu. Il l'a mal fait souvent parce qu'il s'adaptait en adaptant. Mais l'animal s'adapte, l'être humain adapte. Il a de la créativité à exprimer, de la spontanéité, il a de l'intuition. Ce qui fait qu'on rentre, on découvre, puis ça nous plaît pas, on va pas. Ça nous plaît, c'est probablement la meilleure chose. Souvent, on a même des expressions qu'on écoute toujours pas plus. Et maudit, j'aurais donc dû écouter ma première impression. Pourquoi vous répétez ça? Bon, on l'écoute pas plus, la première impression. On répète ça. La première impression, c'est souvent une impression qui est spontanée, qui est donc instantanée, qui arrive juste avant que le flot de mémoire vienne nous inhiber. Alors, disons qu'une personne, ça peut arriver, hein, vous quittez votre corps de chair, hein, pour avoir un accident, et puis vous gagnez le monde de la mort. Restez vous-même, refusez de partir, puis refusez de rester. C'est un peu compliqué. Très simple. Refuser, faut pas refuser émotivement, pas trop... Si tu refuses émotivement de vouloir rester, c'est pourquoi je dis refuser de partir puis refuser de rester. C'est ce qui fait partie de l'évolution. L'être humain qui va devenir un être immortel est nécessairement un être humain ascensionnel, donc capable de compréhension de choses neuves, capable de s'autoriser à apprendre sur le tas, capable de s'instruire lui-même, donc un être humain qui devient son seul maître. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'évolution de votre vie, il y aura nécessairement des questions auxquelles vous allez être confronté à trouver vous-même les réponses. Ça, c'est pas trop pire. On est capable de se répondre. Le gros problème, c'est qu'à un moment donné, il y aura des réponses où vous serez obligé vous-même de vous les confirmer. Ça, c'est le problème. Parce que souvent, il y a des personnes en séminaire ou ailleurs, ma conférence aussi, ils vont me poser des questions, mais ils connaissent la réponse. Ils ont besoin qu'on les confirme. Alors, dans votre vivant, à un moment donné, vous allez arriver quelque part, puis vous allez simplement vous poser la question, est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas, est-ce que je change, est-ce que je ne change pas? J'ai fait le choix de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, ou je ne le fais pas? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est ça? Puis là, vous allez chercher quelqu'un pour vous le dire. Vous savez une chose? Savez-vous ce que c'est que l'évolution supramentale? Savez-vous ce que c'est que l'immortalité? Savez-vous ce que c'est qu'un extraterrestre qui a de l'allure? Savez-vous ce que c'est que la paix? Savez-vous ce que c'est que le vrai chemin? Non? Alors, vous ne pouvez faire confiance à personne qui va vous dire que c'est ça parce que vous ne pouvez pas vérifier. Vous voulez aller vers le bonheur, je vais vous y amener. Comment vous pouvez me suivre? Vous ne savez pas ce que c'est le bonheur. Vous voulez une automobile extraordinaire. On va vous vendre une n'importe quelle cochonnerie, vous allez l'acheter. Vous ne savez pas ce que c'est. On ne peut pas se fier. Et dans l'astral comme sa planète, il y en aura en masse d'individus qui vont venir vous vendre leurs propres énergies pour que vous les entreteniez. Donc, l'individu doit, dans sa vie courante, nécessairement un jour, se confronter, se dire, est-ce que je dois ou je ne dois pas? Puis moi, je suis un petit peu vache. Les égos, souvent, le conçoit comme ça. Quand je vais répondre, ça ne me regarde pas, je ne donne pas de conseils. Ah oui, mais tu le sais, toi? Ouais. Bon, ben, pourquoi tu le dis pas? T'es prêt de le savoir. Je vais aller carrément t'empêcher de savoir, moi, carrément te faire de toi un disciple uniquement parce que tu te plains. Jamais de la vie. Non. Ah oui, mais là, moi, je vais faire quoi? Tu vas faire ce que tu vas faire. Ça, je suis convaincu. C'est très simple pour moi. Après l'ego de la difficulté, s'il va dans le monde de la mort, il va être confronté à la même crise d'affaires. Les guides de lumière, on va tout vous dire ce que traditionnellement vous auriez eu besoin de savoir. L'individu doit se centrer sur lui. Je ne vais pas là. Immédiatement, le peu d'ego qui va vous rester va poser la question. Mais tu vas où de bord? Maudite bonne question, hein? Nulle part. Mais tu vas faire quoi? Je ne le sais pas. Ça, c'est être transparent. Ben oui, mais là, faut bien que tu fasses quelque chose. Pourquoi? Et progressivement, l'individu qui a juste la capacité d'éprouver, une fois qu'il a perdu son corps physique dans le plan moronciel, la véracité des guides de lumière. Ce que vous allez avoir à faire, c'est ce que vous devriez faire avec n'importe quelle personne. Poser des questions. Et c'est pas la réponse que vous devez écouter, c'est la façon dont il répond que vous devez goûter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des personnes, à un moment donné, qui viennent me voir et qui me disent qu'ils sont en contact avec un maître, avec un guide. Puis moi, je leur explique qu'ils sont en contact avec une vraie vacherie astrale qui s'est pointée dans les plus beaux habits que l'individu va vouloir accepter pour, dans 2, 3, 4, 5, 6, 15 ans, l'envoyer carrément à mauvaise place. La personne, elle me dit, ben ça se peut pas, puis etc. Il y en a une qui me disait, moi, c'est mon grand-père avec lequel je parle, puis là, je leur pose simplement la question. Non, premièrement, vous allez leur dire que Daniel Kim, je suis très, très, très détesté dans le monde astral. Alors, allez leur dire que Daniel Kim me dit que vous n'êtes pas mon grand-père ou que vous n'êtes pas un maître. Et la personne, puis je peux tout leur dire d'avance qu'est-ce que l'autre va répondre. Oh, mais Daniel Kim, c'est un gars dangereux, tu sais, vous ne devriez pas aller le rencontrer. Continuez à venir me voir, puis ils vont changer d'idée. Oui, Daniel Kim, il est bon, il est correct. Ils vont finir par être de votre avis, pas pour vous perdre. Et là, à un moment donné, ils allaient leur poser la question, qui es-tu? Ben, je suis ton grand-père. T'es un maudit menteur, dis-moi qui tu es. Ben, je suis ton grand-père. Tant que tu ne me dis pas qui tu es, je te parle plus. Puis, à un moment donné, et toutes les personnes ont pu expérimenter, effectivement, ceux qui étaient assez voyantes, la chose, le grand-père, subitement, se transforme et devient un grand maître spirituel. C'était pas le grand-père, c'était un maudit menteur. Puis, si tu allais plus loin, là, tu continues. Que le grand-père. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, à un moment donné, le grand maître, je suis machin chouette. C'est pas vrai. Je veux savoir qui tu es. Et dans tous les cas, subitement, c'est devenu noir, laid et fortement satanique. Le guide de lumière qu'on rencontre, on dit encore une fois, bon, vous êtes pas mort. Votre corps physique vous a lâché. Vous êtes pas mort. Vous êtes là. Les guides de lumière viennent, qui que ce soit qui vous entoure. On les assoit en avant, là. On prend la lampe, on la place dans le visage. Puis là, on commence l'interrogatoire. Pourquoi tu veux que j'aille là-bas? Moi, j'ai fait plein de conneries sur la planète Terre. J'étais un bel imbécile. Là, tu viens me chercher comme ça pour me sauver. Ah oui, on pardonne. Pourquoi t'es pas venu avant? Vous n'êtes pas instruit avant que je le fasse. Là, il y a du monde sur la planète qui me déteste et qui m'haïsse, puis il y en a qui broient parce que je suis parti. Jaser. L'être humain va suivre. Puis là, ça fait comme bizarre, parce que là, je vous explique ce que vous devriez faire une fois mort. Tu sais, c'est un peu bizarre. Jaser. Oh oui, absolument. Hein? Il y en a qui reviennent puis qui nous content des histoires. C'est comme dans le rêve. Le tu peux jaser. Le rêve, sauf qu'il est plus clair. Mais je veux dire, on peut aussi, on parle dans l'astral quand on dort, donc on peut aussi bien parler dans l'astral quand on est mort. Oui, ceux qui reviennent nous content des histoires. Ils ont rencontré des gens, les gens leur ont parlé, c'est passé ceci, c'est passé cela. Faites-leur pas confiance, posez-leur des questions. Puis c'est pas la réponse qui est importante, c'est la saveur qui est à l'intérieur de la réponse. Un exemple, quand est-ce que je vais être un maître comme toi? Si l'autre répond, quand on s'essaie de poser des questions idiotes comme ça? Et le gars, la fille qui est maître est peut-être mauditement intéressant. À côtoyer un bout de temps. On suit pas, on peut côtoyer. Parce que sa réponse est comme vache, mais bonne en maudit. C'est pas, faut faire attention, c'est pas « Ah, lorsqu'un jour tu comprendras ce que je comprends, et chenic et chenac. » C'est très plaisant pour l'ego, très dangereux aussi. On va revenir un petit peu là-dessus lors de la deuxième partie. En attendant, vous avez des questions, vous les posez par écrit. Charles va les répondre à la deuxième partie. Sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, il est capable de poser des questions sur n'importe quel sujet. Merci. À tout à l'heure.